Vendredi 10 novembre, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Et ce matin, on a une émission en deux temps. En deuxième partie d'émission, en fait, je recevrai Marie-Hélène Tremblay et Nancy Porter de l'APDA, l'Association des personnes avec une déficience de l'audition, qui viendront nous parler de la Journée nationale de la maladie de Ménière qui se tiendra le 17 novembre prochain. Mais avant, je reçois celle qui animera, en fait, cet événement de la Journée nationale. Mais mon invitée de ce matin, c'est drôle parce que, comment la vie est faite? Je la connaissais déjà sans la connaître personnellement ou professionnellement. Je la suivais depuis des années sur les réseaux sociaux, depuis en fait 2010. Si je ne me trompe pas, j'étais même pas à Québec encore. Et qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait qu'on s'est retrouvés à la même station de radio. C'est drôlement fait, la vie. Et puis, ben, écoutez, je vais vous la présenter, mais pour les habitués de CKRL, vous la connaissez. C'est une entrepreneure d'expérience, une blogueuse, une conférencière, maintenant auteure et aussi nouvellement animatrice à CKRL. À l'émission, ça ne tombe pas du ciel. Kim Auclair, bonjour! Attends, je vais lever ton son. Bonjour. Bonjour. Ben oui, c'est vrai que je te suis depuis longtemps, puis je vois ton parcours évoluer à partir de LinkedIn, entre autres. C'est là-dessus que je t'ai connue. Donc, je suis très contente, très heureuse de te recevoir ce matin. Ce matin, le sujet, on va parler, oui, de... on a vraiment une émission en deux temps. On va parler, oui, de ton parcours en vivant avec un handicap, et tu t'en caches pas de ce handicap-là maintenant. Non. Et je dis maintenant parce que, en fait, c'est une surdité que tu as. Puis ce qui m'épate, c'est que tu animes à la radio en ayant ce handicap-là qui est la surdité. Qu'est-ce que c'est exactement que tu as? Bien, en fait, j'ai une surdité de sévère à profond de naissance. Donc, dans le fond, j'entendais pas quand j'étais jeune. Mes parents l'ont su plus tard un peu. Donc, à partir de ce moment-là, ma mère, elle m'a beaucoup fait... regardé par différents médecins, audiologistes ou quoi que ce soit. J'ai été en traitement pendant longtemps de temps pour apprendre à parler, justement, exercer tout ça. Et je pense que ce qui fait que j'ai appris à me parler davantage, à me débrouiller davantage, peut-être parce que j'ai pas été dans la communauté sourde en tant que telle, pas que j'ai rien absolument comme la communauté, mais j'ai pas d'amis proches qui sont sourds. Je me suis toujours tenue avec les entendants, c'est sûr, que puis j'ai accepté aussi aucune aide. Donc c'est sûr que je me suis rendue un peu la vie difficile, j'aurais pas avoir un interprète, tout ça. La seule chose que j'ai eue, c'est un FM. Donc au fil du temps, ben en fait aujourd'hui, comment je décrirais ma surdité, c'est une surdité légère du côté droit. Donc, dans le fond, j'ai un appareil auditif du côté droit qui fait que j'entends. Comme si on aurait les oreilles bouchées avec un rhume. Ouais. Plein d'affaires. Ça peut donner une idée peut-être là, aux gens. Là. Ouais. Puis l'oreille gauche, j'entends pas du tout. Je ressens un peu. Ben ça, je pense que c'est pour toutes les sourds. On ressent la vibration. Okay. La musique, ma relation avec la musique est très spéciale, c'est la vibration. Je comprends pas à la radio. En fait, je fais de la radio, mais pour être bien franc, j'écoute pas la radio. Donc, demandez-moi pas si j'écoute mes propres émissions. Donc, t'écoutes pas tes propres émissions. Non, malheureusement. Alors, quand je reçois des fichiers son, puis des... Peux-tu évaluer? Parce que t'es le monde, hein? C'est à cause que tu fais de la radio, ils pensent que t'es super professionnel là-dedans. Peux-tu écouter mon émission pour me dire si je suis correct? Je suis désolée, je suis vraiment pas la bonne personne. Il va falloir que je me concentre deux fois plus, puis tout ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, j'entends. Mais comprendre, c'est autre chose. Mais je lis pas beaucoup pareil. Sur les lèvres. C'est pas pareil, la compréhension. Mais non. Puis entendre, c'est ce que nous, si on n'a pas ce handicap-là, si on n'a pas la déficience auditive, si on l'a pas, on comprend pas ce principe-là de entre j'entends des sons puis je le comprends. C'est quoi? C'est une connexion qui se fait pas, entre autres. Mais sinon, tu t'es jamais vraiment caché ton handicap ou tu l'as... Je l'ai caché pendant longtemps. Tu l'as caché, oui. Je te dirais que ça fait... que en fait, quand j'ai commencé en affaires, la perception, en fait, que quand je travaillais avec la personne avec qui je travaillais, c'était dans le monde des communications des agences, et elle me passait souvent le message « dis-le pas, ça fait pitié » ou « les gens vont te prendre par pitié » ou quoi que ce soit, puis ça m'a très marqué, ça m'a marqué beaucoup. Mais et je ça... le disais pas, mais je passais encore plus pour une renfermée. Fait que là, ouais. Quand cette association-là s'est terminée, là, ça a pris un an avant m'en remettre, mais j'ai commencé à le dire, je te dirais, en 2011, j'ai commencé à dire davantage. Et aussi, je me disais, je voulais pas être reconnue pour ma sourdité, je voulais être reconnue comme entrepreneur, comme personne qui travaille fort et tout ça. Mm-hmm. Là, je l'ai mis de l'avant, mais j'avoue que j'en ai jamais parlé comme j'en ai parlé dans la dernière année, ouais. Parce que je me suis rapprochée beaucoup de mes amis musiciens. Puis, ben, eux, c'est comme si je leur pose plein de questions, j'essaie de leur faire comprendre. Fait que cette année, là, depuis la sortie de mon livre, je dirais que j'en ai jamais autant parlé qu'avant. Je me suis jamais autant intéressée à ma sourdité. Puis là, c'est le fun parce que j'ai des mandats avec des organismes qui me rapprochent encore plus des différentes facettes de cette sourdité-là. Mais t'en as fait un défi, autrement dit. C'est un défi ouais. plus qu'un handicap. Tu l'as transformé en défi, en force, en fait. Oui, ben le web, pour moi, ça a toujours... tout le temps que les employeurs ne voulaient pas me voir la face, parce qu'à chaque fois que je manquais de l'expérience, j'avais pas les bonnes notes, j'avais pas le... J'avais une baby face, en fait, pas nécessairement la face sérieuse pour avoir un emploi. C'est tout le temps la même affaire. Donc, dans la vraie vie, je suis une personne qui est assez dynamique. Je suis un peu un enfant. Oh oui. sur Internet, je vais être un petit peu plus sérieuse. C'est toute ma tête qui est là. Mais, donc, le web, ça a été une deuxième porte d'entrée. Je me suis dit, je vais montrer mes compétences. Puis en plus, la vérité aussi, c'est que j'écris, mais j'ai jamais étudié là-dedans. Là. C'est juste un deck en graphisme. Donc, j'ai vraiment tout appris sur le web. Les gens disent que je réussis en montrant l'exemple, donc je suis quelqu'un qui est dans l'action beaucoup, j'apprends sur le terrain. Et la radio, c'est venu aussi dans mon chemin de pouvoir exprimer, ça fait longtemps que j'écris, maintenant d'exprimer mes idées. Ceux qui m'écoutent depuis le début de CKRL, de mes émissions à CKRL, peut-être qu'ils ont senti un peu une progression dans ma façon de m'exprimer aussi, mais je pratique énormément, donc c'est pas évident pour moi, là. Ben c'est l'expérience que tu vas acquérir ici. C'est ça. En animant. Puis déjà, t'animais des communautés web aussi en oui, même oui. temps. Tu parlais tantôt de ta collègue qui disait « dis-les pas ». Dis-les pas que t'as une surdité pour pas faire pitié. Sentais-tu que tu faisais pitié? Si. Tu sentais-tu la... Par rapport aux autres, tu sentais-tu que les autres te regardaient avec une pitié? Ben, c'est juste que je me taisais, je me renfermais, mais c'est ce que je ressentais, c'est comme je le dis pas, mais finalement, je me renfermais puis j'écoutais pas plus, fait que c'était triste un peu, là, fait que ça a resté marqué, mais je pense qu'elle était pas consciente. Mais tu sais, dans le monde des communications puis des affaires, c'est souvent une image, hein. C'est dur de s'afficher soi-même à 100%. Ouais. Fait que encore aujourd'hui, j'ai ça parler au téléphone, j'ai ça à mourir. Fait que moi, c'est encore un défi parce que chaque fois que quelqu'un laisse un message sur le répondeur, j'ai ça. Et puis en plus, je prends la peine de le dire sur le répondeur. Si c'est une urgence, écrivez par courriel à Kim, mais ça me tente pas de dire que mon clair est sourd, écrivez-lui un courriel, mais le monde laisse un message téléphonique, ils prennent pas la peine d'écrire. Fait que là, faut que tu te rappelles le téléphone. Là, je suis en train de revoir mon système téléphonique, j'ai eu ça à mourir, le téléphone. Surtout quand c'est un premier appel. Un deuxième appel, c'est correct, on est en confiance, tout ça. Donc, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup d'opportunités, justement, à cause que j'ai pas pu, entendre que ce qu'il fallait que j'entende ou m'exprimer correctement par téléphone. Via le web, je suis vraiment à l'aise. En personne, ça dépend, je préfère quand c'est les gens qui me connaissent sur le web, qui me rencontrent après que rencontrer des nouvelles personnes directement qui savent rien sur moi. Fait que je comme ça, j'ai pas à me vendre, là. Mais c'est vraiment de connaître un peu ses forces puis d'être capable de s'imposer des limites pour justement donner une chance de mieux maîtriser la... C'est un peu comme ceux qui ont la mélanie de Ménière, mais qui iraient à la radio pendant une journée ou que c'est pas vraiment adapté pour eux ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Ils se mettent pas dans leur meilleur avantage, là. Ben, parlant de placer les choses à notre avantage, tout ça, les auditeurs qui nous voient pas, moi, je m'organise pour qu'on soit face à face et que tu puisses lire sur mes lèvres. Donc, moi, je suis debout en studio parce que je vois pour les expliquer... arbres aussi à travers de tes lèvres, là, mais bon. mais quand même, c'est de l'adaptation, puis c'est de sensibiliser les gens. Je me rappelle, l'an passé, j'ai reçu Miguel Ross, qui a un handicap au niveau visuel. Lui, il est non-voyant. Et lui, il sentait, quand il allait chez les employeurs, lui aussi, il avait une réticence. J'ai un autre ami dans ma vie personnelle que lui, il se promène avec un fauteuil roulant. Lui aussi a des problèmes à se faire embaucher. Donc, est-ce que c'est pour ça que tu as décidé d'être entrepreneur ou tu l'es déjà? La raison, qu'est-ce qui a démarré mon truc, c'est... vraiment parce que j'arrivais pas, il y avait toujours un nom, toujours un petit quelque chose, donc je dirais que c'est vraiment à cause des refus des employeurs, mais j'ai pas décidé, je me suis pas assumée comme entrepreneur dans les deux premières années, c'est vraiment grâce au mentorat pour entrepreneur que j'ai compris que j'avais plus... j'étais plus entreprenante que une personne sur le terrain, donc je vais toucher à tout pour faire que le projet... lève ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui apprend vraiment sur le terrain en tant que tel, là, qui va en faire le plus possible et tout ça. Donc, qu'est-ce qui m'allume, c'est vraiment d'entreprendre le projet puis de voir qu'il lève, pas le gérer ou quoi que ce soit, mais de partir de l'animer, mais quand vient la gestion puis tout ça, ben ça, c'est autre chose. On délègue. M'emmerde. On délègue dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Tu parles de ton parcours. Tu fais aussi des conférences. Oui. Est-ce que c'est récent que tu fais des conférences? Depuis 2011. Ça fait quand même un petit bout. Oui. C'est ça, je le voyais un petit peu moins passer. Puis... Mais là, mon nom commence à se faire pas mal. Ça a été encore là un nouveau défi. Maintenant, je le dis, je me l'entends donc. Je capte l'attention de cette façon-là dans les deux premières lignes. Quand je rentre sur scène, c'est ça que je dis en premier. Puis ça m'aide, moi, personnellement, à me mettre à l'aise. Avant, je le disais pas tout le temps. Puis, mais je me dis, ça fait partie de mon histoire. Ça a un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Je le dis ouvertement. Puis je fais des petites jokes, parlez-moi pas en mongol ou si je fais répéter, je fais des petits insights comme ça, comme fait que dans le fond, ça me met encore plus à l'aise, ça les fait rire, puis c'est ça, je fais juste ce que j'ai à faire, mais je suis vraiment plus à l'aise maintenant. Mais ta première conférence, comment c'était? Déjà, c'est stressant d'aller se présenter devant des gens. Comment c'était la première fois où est-ce que tu as dit bon ben je m'en rappelle pas de la première fois. Je me rappelle que je me suis plantée à quelques endroits parce que j'avais des mauvais souvenirs. Ouais. Premièrement, moi j'ai surtout évolué dans un contexte où que le cégep quand tu montres que tu as de l'ambition, les jeunes te regardent bizarre. Les jeunes, faut pas trop avoir d'ambition au cégep. Moi, je suis dans cette année-là, à part la dernière année, mais les deux premières années, cégep, secondaire, j'ai toujours été une fille qui a de l'ambition, mais je n'en parlais pas parce que c'était quand même mal vu. Puis en plus, j'étais sourde, puis les gens comprenaient peut-être pas mon comportement. J'apprends à me connaître davantage depuis peut-être 2 ans en comprenant certains de mes comportements. J'ai vraiment pris le temps de m'arrêter pour savoir qu'est-ce que j'avais, le type de surdité, pourquoi j'agissais de telle façon comme ça. Et maintenant, j'ai eu à faire une conférence devant des jeunes, puis ça m'a rappelé tous ces souvenirs-là, intimidation, tous ces souvenirs-là, dans le sens... J'ai comme eu un stress, puis j'ai perdu la... J'étais vraiment pas bien, là. J'étais vraiment pas à ma place. Mais là, finalement, c'est correct, là, maintenant. Mais ça, je m'en rappelle, là, j'ai vraiment perdu le fil conducteur de ma conférence parce que t'as toujours la peur d'être jugé, t'as toujours la peur de... comment les gens vont percevoir et tout ça. Ça a été long, vraiment, avant que là, je m'accepte, puis les gens proches de moi le comprennent maintenant comment je suis... Puis, faut vraiment que je prenne le temps de leur expliquer aussi. Puis c'est beau à voir. Je suis vraiment bien entourée. Les gens, ça, je prends vraiment le temps d'expliquer. Faut prendre le temps. Des fois, c'est pas de leur faute, là. Faut juste prendre le temps de l'expliquer. Fait que j'ai pas pris le temps comme j'ai pris avant. Mais c'est ça, les gens savent pas tout le temps comment agir. C'est ça. C'est souvent le dénominateur commun quand on arrive. Puis quand on arrive aussi au travail, les gens sont mal à l'aise aussi. Est-ce que tu le sens? Ou, ben, ou maintenant, je vu que tu désamorces, chez moi, là, tu travailles de chez toi. Mais sinon, c'est ça, quand il y a des collaborations. Ben oui, ben comme je dis, je le sens avec les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Mm-hmm. Comme je dis, la majorité des gens qui me connaissent, c'est des gens qui, comme, regarde, là, tu viens, toi, tu me dis que ça fait longtemps que tu me suis. Je me sens plus à l'aise parce que tu me connais sans que je te connaisse, mais tu sais un peu qui je suis. Puis le monde qui me suit, ça me met plus en confiance parce que j'ai pas à répéter mon histoire, j'ai pas à me vendre ou quoi que ce soit. Mm. Les gens qui me connaissent moins, ben c'est comme je sais jamais par où commencer. Puis je les laisse, je dis qu'est-ce que j'ai à dire. Si je réussis à les convaincre, tant mieux. Sinon, je les laisse aller puis ils me reviennent plus tard, là, ils comprennent. Mm-hmm. Mais oui, je me sens quand on est dans les parties, quand on est dans des gros groupes, je suis souvent celle qui parle pas, qui va être retrait, qui va observer. Je suis pas une fille de gang à la base, donc oui, la différence, je la sens beaucoup là. Il y en a qui pensent que je m'emmerde, c'est pas que je m'emmerde dans des groupes ou dans des conférences, c'est que je suis plus non. solitaire un peu. Surtout quand je connais personne, m'adapter, tout ça, ça va prendre ça va être un petit peu plus long. Mais toi, c'est ça, tu dis que t'as... Autrement dit, tu te mets encore en confiance en te disant « cette personne-là, je la connais ». Donc, il y a encore le côté de timidité, peut-être? Avec, ben, je manque encore confiance un peu en général. Donc, ouais. Mais c'est vraiment... avec les nouvelles personnes, c'est vraiment... Je sais pas, je veux pas laisser rentrer rapidement la personne. Je suis quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui a beaucoup... Donc, il y a tout ça aussi. Tant mieux si ça clique ou pas, là, mais c'est, je vais être plus... je sais pas, j'ai encore de la misère avec les nouvelles personnes. Mais là, avec les nouvelles personnes, là, t'auras pas le choix d'animer bientôt. OK, bien ça, sur les conférences et tout ça. Oui, bien, t'as entre autres les conférences. Oui. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben mes conférences, en fait, ça, j'ai pas de problème, je suis en avant. Fait que ça, c'est correct. Les formations aussi, ça va super bien. Je me sens bien. Puis... Tu sais où est-ce que tu t'en vas, en fait. Oui. Bon, ben, ouais. Quand je suis en contrôle de mes affaires, la meilleure façon, c'est comme la radio. Je me sens tout en contrôle. Je sais exactement ce qui se passe. C'est moi qui choisis mes invités. Je fais mes sujets. Je fais la recherche aussi. Donc, j'arrive là. C'est une discussion. Je suis hyper en confiance. Je me sens à 100% moi-même. Puis, ça, j'aime ça. Fait que, dans le fond, je me rends compte que c'est vraiment d'utiliser ces forces-là de... Mm-hmm. Là, je me sens en contrôle avec l'émission, les conférences, mais c'est mon sujet. C'est sûr que les premiers, c'est plus tough quand tu crées des nouveaux sujets ou que tu dois t'adapter. Mais généralement, c'est parce que tu répètes la même affaire, mais tu le modifies beaucoup selon le contexte. Puis, non, je me sens bien. Quand je suis en avant, je suis pas une fille de gang. Je vais être plus timide en personne. Mais quand je suis en avant, on dirait que c'est un peu comme tous les chanteurs ou les artistes. On devient comme... Oui, il y en a beaucoup. Sur une adrénaline qui est comme inexplicable. Là. Oui. Là, maintenant, tu t'impliques au niveau de la PDA. Est-ce que c'est... Ah, ben, en fait, c'est un nouveau mandat qui est... Ben justement, à cause qu'ils ont vu un article là, que je faisais de la radio, ils sont venus à l'espace Nuiti, à mon espace de coworking à Beauport. Après, je pense qu'il y a un article qui va apparaître dans leur magazine. Puis, ben ça m'a fait plaisir d'accepter le mandat d'animation. Moi, j'étais habituée d'animer des panels puis des discussions, mais dans la formule qu'ils proposent, non. Mais ça revenait au même là en tant que tel, là, fait que... Puis, qu'est-ce que ça te fait d'être à l'animation? T'es pas porte-parole, mais t'es à l'animation d'une journée, d'une maladie que t'as pas, en fait. Tu l'as pas, celle-là. Ouais, non. Mais en fait, je la connaissais pas, pour être toute franche, je la connaissais pas, cette maladie-là, avant. Je me suis enseignée beaucoup depuis. Puis, je me suis même demandé si je l'avais. J'ai regardé les symptômes, tout ça. Je trouve ça le fun, sérieusement. Ça me permet vraiment de me rapprocher des acteurs clés que j'aurais dû contacter il y a longtemps. Oui, parce que tu t'impliquais pas nécessairement dans le sens que tu étais avec des gens qui étaient entendants autour de toi. J'ai déjà eu des petites implications avec la KEPA. La KEPA qui vraiment le tous les enfants sourds ont sûrement passé par là. Donc la KEPA qui a quand même marqué pas mal ma jeunesse. Puis là, ils sont revenus plus tard dans mon parcours. Puis là, je les ai aidés avec les médias sociaux, la rédaction aussi. Et j'avais vu aussi aller le président de la Fondation des sourds du Québec, Daniel. Il était venu à mon lancement de livre. Je l'avais invité personnellement. J'avais trouvé ça tellement beau. En fait, je l'avais croisé dans un événement de financière Sun Life. Puis je trouvais ça beau, l'interprète. Avec lui, j'étais allée parler, puis il était tout seul, tu sais, il s'intègre, puis il est tout seul dans un univers d'affaires, puis tout ça, je trouvais ça beau. Là, j'ai dit, tu viendras à mon lancement. Puis là, c'était plus petit, puis là, je le voyais aller, puis là, je disais à tout le monde, il répète tout ce que je dis, puis là, tu vois, l'interprète qui disait, elle répète vraiment tout ce qu'elle dit, en tout cas, bref. Et je trouvais ça vraiment beau, puis ça me... Parce qu'il y avait un interprète avec lui. Oui. Okay. Et ben là, ça m'a. C'est ça, j'ai senti quelque chose. Ouais. Donc, je te dirais que ça fait environ 2 ans là, que j'ai commencé à travailler vraiment avec les organisations. Fait que l'ABDA, ben, ça m'a fait découvrir la maladie Ménière que je connaissais pas. Puis là, c'est le fun parce que je regarde aussi pour essayer d'améliorer ma sourdité. Soit je réfléchis à un implant ou un autre sorte d'appareil, je sais pas, parce que je sens que ça baisse un peu. Et là, justement, au panel là, qu'on va animer, ben il va y avoir des ressources clés que je pensais justement contacter. Donc, c'est juste de m'informer comme ça, d'être entourée, de me rapprocher un peu plus de cet univers-là. Ça, je trouve ça vraiment fun. Quand tu parles d'implant pour situer les auditeors, c'est... Un implant cochléaire, mais je me sens vraiment mal placée pour en parler. Non, Mais c'est une option pour certaines personnes. C'est une option. Oui, c'est une option pour certaines personnes. En fait, ça fait longtemps qu'on m'en parle. C'est qu'il y a une fille dans mon entourage que j'ai connue justement avec la KEPA, au conseil d'administration de la KEPA. Je la vois aller, puis tout ça. Puis elle, c'est la fille auquel je m'identifiais un petit peu plus. Au niveau de la... Même on a une sourdité complètement différente, mais je m'identifiais plus à elle. Puis là, ben, elle me dit, en mars, j'ai fait mon implant. J'étais vraiment pas sûre. Elle est venue m'en parler, elle par elle-même. J'étais vraiment pas sûre. J'étais déçue un peu des résultats. Mais là, Kim, là, ça a vraiment augmenté, là, depuis mars. Puis, j'ai eu tel résultat. Ben, qu'elle veut pas qu'on dise les résultats, mais j'ai vraiment eu des résultats positifs. Puis là, elle m'énumérait tout ça. Puis, vu que c'était peut-être la seule avec qui je m'identifiais le plus, là, on dirait que ça m'a convaincue. Fait que j'ai écrit à mon audiologiste qui m'a référé à l'organisme que je me rappelle pas le nom, désolé. Mais un organisme spécialisé justement dans ce genre de choses-là. Donc c'est ça, je vais me renseigner. J'ai commencé avec eux, puis je vais me renseigner qu'est-ce qui est possible. C'est vraiment pour peut-être me donner une chance d'entendre mieux, mais de gagner plus de confiance aussi. Donc, si ça peut apporter quelque chose, ça serait super, là. Oui. Ben, je te le souhaite vraiment, là, si tu peux t'aider de différentes façons. Mais je trouve que je vais prendre un côté pour parler. C'est rare que je parle aux invités nécessairement de ce que je vois, là, de comment je me sens, puis je trouve vraiment ça inspirant de comment tu te débrouilles, tu te laisses pas abattre par je fais pitié, j'entends pas ce qu'il faut entendre ou peu importe. C'est vraiment là, tu m'épates, t'es entrepreneur, tu parles à la radio, là. On s'entend-tu que ça demande du courage? Ça demande... Ben oui, tu dis non, puis moi, je te dis oui, puis j'ai des invités qui parlent pas depuis tantôt, qui sont tranquilles, mais qu'on va retrouver après la pause, puis ils ont l'air à être d'accord avec moi. Ils ont l'air... Fait que prends-les, les fleurs, Kim. On va prendre une pause, nous, de notre côté. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, au retour de la pause, en fait, on va parler avec Marie-Hélène Tremblay, qui est directrice de l'APDA, et puis aussi avec Nancy Porter, qui a mis sur pied au sein de l'APDA un groupe d'envergure provinciale de soutien pour la maladie de Ménière. Et puis, on va savoir aussi en même temps qu'est-ce que c'est que la maladie de Ménière. On en parle un petit peu depuis tantôt, mais là, on va le savoir avec ces deux dames-là qui se rajoutent au panel ce matin. À tout de suite. On est de retour à l'émission Les Différents, Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Ce matin, on parle en fait de vivre, oui, avec malgré une déficience de l'audition. On parle entre autres avec Kim Auclair qui en profite pour nourrir ses réseaux sociaux. J'ai rien fait. T'as rien fait. Kim Auclair, qui est entrepreneur, blogueuse, conférencière, animatrice à CKRL aussi, ça ne tombe pas du ciel, les mardis matins, s'est joint à nous pour la deuxième partie d'émission, Marie-Hélène Tremblay, directrice de l'APDA. Bonjour. Bonjour. Et Nancy Porter, qui a mis sur pied avec l'APDA au sein de l'organisme. Un soutien pour la maladie de Ménière. Et puis, j'aimerais qu'on commence tout de suite. Ben, bonjour à vous trois. Rebonjour, Kim. Bonjour. J'aimerais qu'on parle de la maladie de Ménière parce que c'est pour ça que vous êtes ici. Qu'est-ce que c'est que cette maladie, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu parler? Alors, la maladie de Ménière, elle a trois caractéristiques. Alors, pour que ce soit vraiment défini au niveau médical, il faut avoir, on aimerait mieux pas l'avoir, mais il faut avoir de l'acouphène, avoir une perte d'audition et des vertiges. Et quand on parle de vertige, c'est l'extérieur qui bouge, un peu comme un manège. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on perd complètement le sens de l'équilibre. Alors, on tombe à ce moment-là. C'est les trois caractéristiques. Et c'est une maladie qui est invalidante. Voyons, j'ai mis ça ce matin. Invalidante. Oui. Merci Marie-Hélène et merci à toi l'animatrice. Oui, parce qu'elle est, elle arrive par crise. Puis on dit souvent que la maladie de Ménière, chacun l'a à sa manière. Puis effectivement, comme moi, ça a commencé par des acouphènes. Pendant un bout de temps, là, c'était ça. Je pensais simplement que j'avais les oreilles bouchées. Finalement, s'est poursuivi plutôt par un vertige que j'ai eu en pleine classe. Je fais éducatrice spécialisée. Complètement tombée. J'étais avec des élèves qui déficients intellectuels à ce moment-là. Et la surdité aussi s'est ajoutée. Alors, c'est il y a des gens parfois que ça va être les vertiges qui vont commencer, des fois ça va être la perte d'audition, mais c'est très important pour l'identifier de consulter un ORL pour passer les tests qui vont permettre de conclure que c'est cette maladie-là. Ne pas se contenter d'un médecin qui dit « Ah, vous avez la maladie de Ménière parce que vous avez parlé de vos symptômes. » Parce qu'il peut avoir l'oreille interne, c'est minuscule, mais il peut avoir tellement de maladies reliées à ça. Alors, c'est important de consulter. C'est vraiment à partir d'un diagnostic qu'on peut pas, s'auto-diagnostiquer non surtout plus. Surtout pas, parce qu'on a peur à ce moment-là. Des gens vont me dire, ben, je pense que je l'ai. Non, là, tu t'es mieux d'aller consulter parce que quand quelqu'un me voit en vertige, ils veulent pas voir ça, là. C'est pas... Pas du tout, non. Puis, j'imagine vivre avec l'acouphène aussi. Des fois, ça, autrement dit, c'est l'oreille qui cille. Oui. On entend sciller dans l'oreille. Donc, j'imagine, de temps en temps, un peu n'importe qui peut avoir l'oreille qui cille et c'est bien fatigant. Effectivement. Bien, on a tous des bourdonnements d'oreilles qui arrivent à un moment donné, puis ça peut durer 20 secondes. Puis on trouve ça inconfortable, tandis que les personnes qui ont... Vous, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et faut dire aussi que les personnes qui n'ont pas la maladie de Ménière et qui font de l'acouphène aussi, là, c'est... Puis il y en a de plus en plus. Ça a déjà scellé, moi, dans mon oreille. Là, c'est correct, mais ça m'arrive. Oui. C'est pendant peut-être 15-30 secondes. On dirait que ça cille, puis c'est comme un étourdissement. Ben, pas ouais, une sorte d'étourdissement. Mais j'arrive pas à expliquer, mais ça m'arrive que ça cille. Mais moi, ça va jamais plus loin, là. Justement, comme Mme Porter disait, ça peut être différents symptômes, mais c'est tellement tout petit, l'oreille interne, qu'il peut avoir plein de maladies, là, sans s'auto-diagnostiquer. Parce que l'acouphène, comme moi je l'ai, ben c'est permanent. C'est permanent dans le sens, c'est que ça part jamais. C'est de la visite qui part pas. Alors, c'est... non, c'est de la visite qu'on aimerait ça souvent mettre dehors. Et ça fluctue aussi. Il y a des journées que l'acouphène va être beaucoup plus fort. Les sons sont différents dans chaque oreille. Et souvent, il y a un troisième son qui vient avec les pulsations cardiaques. Alors, c'est il faut apprendre à en faire fi autant que possible. Et des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile parce que c'est accaparant, c'est lourd. Alors, moi, je trouve qu'une personne qui a la maladie de Ménière, et j'aime pas ça dire ça parce que je suis une fille qui est pas mal vivante, qui a l'appétit du bonheur, mais quand on se lève le matin, on a un côté perdant comparativement à une personne qui n'a pas cette maladie-là et qui est en santé. C'est-à-dire? Parce que quand on se lève, on a un déficit d'équilibre. Moi, j'ai vraiment un déficit d'équilibre qui est amené à cause des crises de vertige. Mm-hmm. On en perd toujours un petit peu. Alors, c'est comme si mon corps doit toujours travailler pour rester droit. J'en ai pas conscience. J'ai d'ailleurs fait de la physiothérapie vestibulaire pour travailler à améliorer cet équilibre-là. Parce que l'équilibre, on l'a dans nos muscles, dans nos yeux, dans nos pieds. Et, on a l'acouphène, puis on est malentendante. Alors, ça fait que, ça amène une fatigue. Oui. Alors, tu te lèves, OK, ton énergie n'est pas la même que si quelqu'un a dormi 8 heures, et disait, Seigneur, j'ai passé une bonne nuit. Moi, je peux avoir passé une bonne nuit, puis par contre, je vais arriver au début de l'après-midi, puis je vais être obligée de faire une sieste parce que je suis fatiguée. Et, ça vient des vertiges? Ça vient de tout. Ça vient c'est du fait que je suis malentendante. Okay. C'est sûr que je lis beaucoup plus sur les lèvres. Du fait aussi que mon équilibre est précaire. Du fait aussi que l'acouphène est lourd. Et moi, ça m'arrive souvent. Je dis toujours, je fais mon petit pied de danse, mais je perds l'équilibre. Là. C'est comme si je m'en vais sur le côté. Moi, quand j'étais jeune, c'est drôle, mes amis disaient, Nancy, tu marches toujours sur nous autres. Probablement que j'avais sûrement quelque chose déjà au départ. C'est comme si je marchais... Moi, marcher sur une ligne droite, c'est impossible, mais probablement dans ce temps-là aussi. Mais je lisais que la maladie de Ménière, vous me direz si... c'est sur votre site, donc les informations doivent être bonnes. Oui, oui, oui. En fait, que c'était une maladie qui était chronique. Oui. Donc, c'est pas... ça peut partir du jour au lendemain, mais ça va durer à vie. C'est une maladie chronique. Par contre, moi, je trouve, en tout cas de mon côté... Puis que tu peux t'aider beaucoup à améliorer ta condition de vie, comme dans n'importe quelle maladie ou handicap. Ça te prend une vie quand même assez calme, d'éviter les stress, puis d'éviter, pour la maladie de Ménière, surtout d'éviter la fatigue. Parce que plus que tu te fatigues, plus tu es susceptible à... t'es fatigué, plus tu es susceptible à avoir que les symptômes se manifestent davantage. Puis, dans la vie de tous les jours, vous avez parlé que ça fatigue. Comment ça atteint aussi la vie quotidienne, le quotidien d'une personne, en plus de la fatigue et, oui, des étourdissements? Mais je vais peut-être allez-y, faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis. Chez nous, à l'association, on a un service d'écoute, de soutien. Donc, on reçoit des appels à l'occasion et on rencontre des personnes qui vivent des difficultés par rapport à, évidemment, avec la déficience auditive, mais des fois plus spécifiquement avec la maladie. Puis, ce qui ressort, c'est que c'est imprévisible. C'est toujours ça qui revient. C'est d'être dans un état d'ébriété sans avoir consommé d'alcool et aussi que ça survient n'importe quand. Donc, quelqu'un qui est en train de conduire, quelqu'un qui est en train, qui s'occupe de son jeune enfant, qui ne sait pas s'il va pouvoir le tenir correctement dans ses bras, puis qui, là, il commence à sentir des étourdissements. Quelqu'un qui arrive dans son milieu de travail et que, là, tous les bruits, les acouphènes, l'environnement devient un envahissement qui amène vraiment un gros stress au travail parce que tous ces petits sons-là que nous, on s'accoutume, on s'habitue à avoir, devient... quelque chose de un stress important. Donc c'est vraiment d'avoir à développer différentes stratégies au quotidien pour faire face à ça. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que des fois les gens, c'est pas visible. Ben non. Fait que les gens, ils doutent. Les gens, ils font comme, ben là, elle exagère, ou il exagère, voyons donc, tu sais, ça paraît pas. Puis en plus, il y a des périodes où la personne va super bien. Puis là, bang, du jour au lendemain, là, c'est la crise, c'est ça. Oui, c'est ça. Je peux peut-être en parler des crises, justement. Moi, ça fait quand même 23 ans, 24 ans que j'ai la maladie Ménière, alors j'en ai connu des longues crises. D'ailleurs, j'ai dû arrêter de travailler. J'étais plus apte au travail parce que c'était mon travail avec était trop étourdissant. Avec les jeunes, je travaillais à ce moment-là aussi en dernier dans une polyvalente, alors le bruit, vu que c'était en ciment, c'était beaucoup plus difficile. Alors les crises, c'est souvent, on peut avoir une crise anodine que je dois dire que tu l'as comme cette semaine. J'étais dans un atelier et au bout de 10-15 minutes, j'ai dû quitter parce que j'ai commencé à sentir là, vraiment la fatigue visuelle, la couffaine qui a augmenté, puis la nausée. La maladie de Ménière amène, dans mon cas, j'ai la nausée, je vous dirais, au moins 4 à 5 fois par semaine. Alors, j'ai mes petits trucs de raisin, de biscuits soda, de ginger ale. Bien, on se développe des outils. Puis ce qui est merveilleux, c'est l'instinct, hein? L'instinct, moi, j'ai jamais lu ça, là, que ça pouvait que ça pourrait m'aider. Là, c'est pas écrit, c'est pas dans les écrits scientifiques. C'est d'instinct, ça m'aide. Et aussi, j'ai un médicament que je prends qui est en vente libre ici, mais maintenant, il ne l'a plus. Je l'achète aux États-Unis, qui est pour le mal de transport. Alors, si on revient à la crise, c'est la crise, les grosses crises, là, c'est que ça perdure. Ça peut perdurer des semaines, des mois. Moi, je me souviens que j'étais des mois à tomber trois fois par jour, avoir mal au cœur. Puis la crise, ma grosse dernière crise, ça a duré 12 heures, dont j'ai passé 5 heures à terre dans la salle de bain, parce que même si c'est à terre, tu as l'impression que tu vas tomber pareil parce que ça tourne. Alors là, il faut que tu sois vraiment... Puis c'est sûr que tu vomis, t'es malade. Et t'es sans ressources, tu t'épuises. C'est épuisant. Moi, je disais toujours, j'aime mieux accoucher qu'avoir une crise de Ménière. Parce que... Ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Je pensais pas que c'était intense comme ça. Oui, ça veut tout dire parce que c'est tellement exigeant. Puis après ça, ben t'es plusieurs jours à t'en remettre. Puis quand, supposons que t'as 3 vertiges par jour comme ça, ben là, c'est comme si ça te prend des semaines, puis voire des mois à ce que tu puisses te remettre. Il y a des traitements. Les traitements fonctionnent chez un, fonctionnent pas chez l'autre. Alors, c'est... C'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça qu'on dit, puis c'est pas moi qui ai dit ça, c'est un audiologiste, c'est un psychologue de... Le centre de réadaptation Chaudière-Appalaches, qui disait vraiment la Ménière, chacun a sa Ménière, la Ménière a sa manière. Effectivement, c'est du cas par cas, mais il reste que les symptômes sont les mêmes, par exemple. À mais différents niveaux. La base oui, est là ça. Et c'est vraiment scientifique. Moi, je trouve que d'être entourée... Moi, je connaissais personne qui avait cette maladie-là, puis c'est vrai. C'est comme Marie-Hélène disait, ça ne paraît pas. T'as l'air, écoute, tu passes des journées, des semaines que t'es en forme, ou les gens disent, ben, c'est fini pour elle, là. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai créé le groupe des personnes qui vivent avec la maladie de Ménière. Je voulais avoir au moins une personne qui avait cette maladie-là. Ouais. Parce qu'on sait que la solidarité, l'empathie, c'est donc réconfortant. C'est en même temps... Ouais, on se sent moins seul. Oui, c'est rassurant aussi. Ouais, tu dis, bon, ben là, je ne suis pas toute seule à voir ça, moi, dans la vie. Ça m'a beaucoup aidée. Et je suis contente de m'être associée avec l'ABDAP parce que nous sommes malentendants au départ. Alors, mm-hmm. Ça rejoint aussi le mandat de cette association-là. Et avec le groupe, c'est au niveau provincial? Bien, au niveau provincial, c'est surtout pour l'écoute. Okay. Les centres de réadaptation ou les associations des personnes avec une déficience de l'audition, ils se nomment autrement, font appel à moi directement ou ils vont passer par l'association ou pour que je puisse les communiquer avec eux, puis ça se fait souvent par téléphone, parce que souvent ils sont à l'extérieur. Et ces gens-là sont tellement heureux de partager, parce que souvent ils sont à leur début. Et sont vraiment... c'est comme un tremblement de terre qui se passe dans ta vie, là, parce que ta vie sera plus pareille, puis tu sais pas ce que ça va se passer, tu sais pas où ça va t'amener aussi. Alors, je pense que l'écoute aide beaucoup. Et aussi d'aller chercher des services. Mm-hmm. Moi, je vends beaucoup les services des centres de réadaptation. Ici, à Québec, on a l'IRDPQ. C'est merveilleux parce que quand tu vas dans ces endroits-là, ils connaissent la maladie. Et t'as pas besoin de l'expliquer autant que tu le fais avec une personne qui la connaît pas. Et tu peux développer des techniques pour t'aider. Par rapport juste au niveau du fait qu'on est malentendante, ben, tout ce qui est langage labial. De comprendre aussi ce qu'est la maladie, l'audiologiste va t'aider aussi à la comprendre où c'est situé dans l'oreille. Et moi, j'ai eu des services en psychologie qui m'ont aidé aussi. Et j'ajouterais à cela, de prendre soin de soi. Des fois, je viens tannée de prendre soin de moi parce que j'aimerais ça avoir mon élan puis partir et voguer ma journée comme du monde qui n'a pas atteint de cette maladie-là, mais c'est présent, c'est là. Mais on n'a pas le choix de changer un petit peu notre rythme de vie sur le travail. Ça doit apparaître aussi. Ouais. Est-ce qu'on continue de travailler? Est-ce qu'on diminue nos heures? Bien, moi, j'ai travaillé quand même, je dirais, ça fait 9 ans que je ne travaille plus. Alors, 23, j'ai travaillé, on va dire, à peu près 15 ans là, avec cette maladie-là. J'ai eu des arrêts de travail, dont un de 24 mois et un autre de 31 mois à travers ça. C'est pour vous dire que la crise durait longtemps. Oui. Puis après la crise, ben, comme je vous expliquais tantôt, ça prend une période de repos. Alors, oui, il y a des gens qui travaillent, mais ceux qui sont vraiment atteints, moi, je suis atteinte de les deux oreilles. Autrement dit, j'ai la maladie dans les deux oreilles. C'est pas tout le monde. Dans les statistiques, c'est 20% ou quelque chose du genre. Là. J'avance ça, mais je suis pas sûre, c'est pas certaine. Et... ben j'ai dû cesser. On s'est mis à l'évidence, mon ORL et moi, ils ont dit, mais l'apporteur, vous ne pouvez plus travailler. C'est dur à accepter parce que c'est pas le choix que tu veux dans ta vie. Mm-hmm. Puis moi, je travaillais, j'aimais beaucoup mon travail, là, j'étais passionnée, alors ça a été difficile. C'est beaucoup de deuil. Parce que là, tu perds tes collègues de travail parce que tu n'es plus avec eux autres. Tu perds un sens dans ta vie aussi. Est-ce qu'on a peur de l'isolement à un moment donné? Tu t'isoles au début. Moi, j'ai pas eu peur de l'isolement. J'avais plutôt peur de sortir. Alors, mon chez-moi était rendu sécurisant. Mais quand t'es rendu, tu peux plus aller à la pharmacie chercher ce que t'as besoin. Un petit détail, choisir tes serviettes sanitaires à ton goût, là, hein, on peut s'entendre, parce qu'on sait celles qui vont te faire. C'est un minimum. Oui, je vais dans le personnel, mais c'est pour dire qu'au niveau tant aussi personnel que ça, ben tu peux pas y aller. Tu peux pas, mm-hmm. Tu peux pas faire ça, là. Alors, moi, je trouve que c'est beaucoup de deuil, c'est beaucoup d'adaptation. Et malgré les années, je trouve que j'ai encore à m'adapter et à faire des choix. Mm-hmm. Est-ce que je vais dans ce restaurant-là, puis je sais qu'il va y avoir du bruit? Est-ce que je vais faire... est-ce que je vais aller à un spectacle de musique, comme dernièrement, il y a eu un spectacle au Vidéotron pour la Petite Vallée? Alors, c'était tous des chansonniers que j'aimais. Puis je me suis dit, non, Nancy, tu y vas pas parce que ça va être beaucoup trop fort. Et ça peut te déclencher encore plus d'acouphènes et des vertiges. Alors, il y a des déclencheurs. Oui, il y a des déclencheurs. C'est sûr qu'il y a des déclencheurs. Que souvent, quand je suis fragile, une personne qui est devant moi va bouger beaucoup, puis je suis obligée de dire, écoute, arrête. Oui, ça. Le vertige. Oui, c'est ça. Oui, il y a des déclencheurs. Il y a au niveau visuel, oui, il peut avoir des déclencheurs. J'aurais pu voir les manèges, là. J'aurais pu à l'expo. J'embarquerais pas, c'est sûr, là. Non. Mais même les voir, ça serait difficile, là. Ou tu passes au Galerie de la Capitale ou qu'il y a les manèges, là, peut-être, t'as le bruit, peut-être, oh mon Dieu, tu tombes. Je trouve que la fatigue qui vient avec cette maladie-là ne se prépare pas. C'est que tu pars du point où tu as assez d'énergie, où tu tombes, que tu n'en as plus du tout. Ça drop. C'est vraiment une drop. C'est vraiment une drop. Alors, tu es à terre. Moi, je suis à terre à ce moment-là. Et là, on parle de la maladie de Meniere. Mm-hmm. C'est pour situer les gens, une personne sur 1000 en Amérique du Nord qui en est atteint. Donc, c'est quand même beaucoup de gens au bout de la ligne. Là, avec l'APDA, vous faites une journée nationale. Oui. C'est la première journée que vous faites? C'est la première fois? C'est le lancement de la journée. C'est le lancement, en plus, de la journée. C'est ça. Comment ça va se passer? C'est le 17 novembre? Oui, c'est le 17 novembre. Ça va se passer sur notre page Facebook. C'est la page Facebook Association des personnes avec une déficience de l'audition. Il va y avoir une conférence en direct avec Diane Gagnon, qui est aussi atteinte de la maladie, et avec Samuel Montminy, qui est audiologiste au CIUS de la Capitale-Nationale. Mm-hmm. Évidemment, l'idée, c'est de pouvoir poser des questions en direct. Donc, on invite tout le monde à midi à aller sur la page Facebook. Donc, à votre heure de pause, là, c'est le temps d'aller poser vos questions sur la maladie de Meniere. Et on va sous-titrer. Évidemment, malheureusement, alors, vu qu'on voulait faire un live pour les personnes qui sont malentendantes, on ne pouvait pas sous-titrer là, en direct, mais on va le sous-titrer par la suite et il va être diffusé là, et sur notre site Internet www.abda.ca et sur la page Facebook de l'association. Je vais mettre d'ailleurs les liens sur les différents aussi pour ceux qui s'intéressent, qui veulent en apprendre plus, qui s'interrogent aussi sur la page Facebook, les différents. Je vais mettre les liens aussi pour cet événement-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question? Qui est-ce qui va être là? Je sais que là, il y a Kim. Il y a moi. Kim qui va animer. Mais ça vient-tu de Kim, l'idée du Facebook Live ou le côté technologie? Elle a déjà avancé là-dessus. Elle est avancée. Juste réaligner les idées. Elle est avancée côté technologie aussi. Donc, le côté animation va être fait par Kim et aussi, donc, on va avoir les spécialistes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une heure? Combien de temps ça dure? Ça dure environ une heure, tout dépendamment des questions qu'il va y avoir là en ligne. Au point de départ, Kim va poser des questions aux invités, donc plus au niveau du vécu. Donc, qu'est-ce que c'est vivre avec la maladie? Évidemment, on sait que l'accepter, c'est pas quelque chose qui est possible. On vit avec. Ouais. Hein? C'est quelque chose. Donc, ça va être un partage à ce niveau-là. Donc, les questions peuvent être au niveau des propres inquiétudes d'une personne ou par rapport à un proche qui peuvent être posées à ce moment-là. Et on a un audiologiste. Évidemment, l'audiologiste, lui, va parler de comment le processus, les services qui sont offerts aussi à l'Institut de réadaptation. Qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner, aider quelqu'un qui vit avec la maladie? Donc, ça va être un peu ça, là, les échanges qu'il va y avoir. C'est vraiment l'occasion de poser toutes les questions. Oui. On ne peut pas garantir qu'on peut répondre à toutes les questions, mais en fait, c'est si vous avez quelque chose de spécifique, une inquiétude, c'est vraiment le moment de s'interroger par rapport à ça. Puis, si quelqu'un veut aller un petit peu plus loin, le 25 novembre, dans nos locaux, à 9h30, il va y avoir un partage, un groupe de partage. Donc là, à ce moment-là, là, on va pouvoir se soutenir mutuellement. Ça va être à nos locaux qui sont situés au 72-60 Boulevard Cloutier à Charlebourg. Et est-ce que les proches aussi, des fois, souvent on parle des proches aidants, est-ce qu'il est ouvert aussi ce groupe-là aux proches aidants? Aux gens qui accompagnent, qui vivent autour? Oui, effectivement. Les personnes, lorsqu'on fait un partage, les personnes viennent souvent accompagnées. OK. Ça peut être du conjoint, de la conjointe, ça peut être d'un enfant avec le parent, ça peut être aussi une personne significative. Mm-hmm. Alors, oui, c'est ouvert parce que c'est important que que l'entourage connaisse la maladie de Meniere et ça les rassure aussi. Ouais. Ça les rassure et aussi, ben, ils entendent la même chose que... Puis ils entendent aussi ce que les autres vivent. Alors, ça leur permet de se faire une idée peut-être plus définie. Ça permet de comprendre la réalité des gens et de voir que, ben, peut-être la personne avec qui je suis, ben, comme, un peu comme vous avez vécu, Mme Porter, de, ben, voyons, elle est correcte. Puis là, il y a une crise qui arrive. Donc, ça permet de comprendre ça, de comprendre les différentes réalités aussi. Donc, comme vous avez dit, la maladie frappe de différentes façons. Donc, c'est unique à chaque personne. Oui, mais elle termine avec les mêmes symptômes. Ben oui, elle a les mêmes symptômes. Puis de là, l'importance de consulter tôt. Parce qu'il y a des traitements, mais il n'y a pas de traitement qui guérit. Là. Moi, en tout cas, il n'y a aucun spécialiste qui m'a dit qu'il y avait des traitements qui guérit, mais des traitements qui peuvent atténuer les crises, qui peuvent... Il y a des personnes qui vont aller chercher des appareils pour mieux entendre. Il y a la physiothérapie vestibulaire qui aide beaucoup. Alors, c'est important dès le début de... Même si on veut pas l'avoir, là. On la fuit, on s'en occupe pas. C'est important de se renseigner au moins. D'aller poser des questions. Je vous remercie, mesdames. Je pense que même la ville nous fait trembler les pieds. Oui. Kim, on se regardait. Un peu similaire à vertige. On fera pas le saut. Il y a des travaux juste à côté de la station. Donc, ils viennent de démarrer. On a senti la vibration complètement. Désolée, ça nous a un peu déstabilisés ici en studio. J'aimerais, en terminant, je vais mettre toutes les informations sur la page Facebook, les différents, avec le podcast aussi pour ceux qui veulent écouter, réécouter l'émission pour en savoir un peu plus s'ils ont manqué des extraits. Kim O'Claire, on t'écoute les mardis matin, 9h à CKRL. Ça ne tombe pas du ciel. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Marie-Hélène Tremblay, directrice de la PDA, et Nancy Porter aussi de l'organisme. On peut dire ça comme ça. Merci à vous deux d'être venus nous parler de la maladie de Ménière et nous avoir éclairés à ce sujet-là. Merci, Mélanie. Merci. Et bonne merci première journée de la journée nationale de la maladie. Il y en aura d'autres aussi. Oh, ça va, oui, ça va être un rituel. Ben, je vous le souhaite. Merci.